C'est donc bien Bulle de rêve, le magazine 100% cinéma d'animation. On a commencé le générique, nous sommes redevables de cette musique à Angelo Badalamenti et David Lynch. C'est le deuxième CD qui est paru il n'y a pas longtemps de la musique de Twin Peaks. Au passage, n'achetez surtout pas le coffret si vous comptiez l'acheter chez TF1. C'est une arnaque qui coûte 90€. Prenez-le plutôt en zone 1 aux États-Unis, il y a des sous-titres français, et avec le dollar en ce moment, il vaut à peine 40€ sur Amazon. Pourquoi donner de l'argent à TF1 qui nous font n'importe quoi alors qu'on peut le donner, bon, à une autre grosse boîte qui fait, mais au moins où les prix sont moins chers. Voilà, c'était pour Twin Peaks, qui est une série qui fonctionne encore tellement bien aujourd'hui. On va parler aujourd'hui, je me suis dit qu'après tout, je passais l'année avec eux, il fallait bien que j'en sorte quelque chose. Donc je vais passer 2 heures avec 2 élèves et on va parler du DMA, cinéma d'animation, avec Marine Blin. Bonjour Marine. Bonjour. Deuxième année. Et avec Théo Bouvenel, qui est dans un état difficile. Je le remercie d'être venu, qui a une angine. Il va essayer de parler au micro. Bonjour Théo. Bonjour. Voilà, on va voir si on espère qu'on va l'entendre. On va parler avec eux du DMA, de cinéma d'animation, pourquoi on se décide de se lancer dans le cinéma d'animation et plein de belles choses. Alors, je voulais vous faire une programmation spéciale anti-Noël contre le gros bonhomme rouge. Et puis, je me suis dit, après tout, que... bon, après tout, pourquoi pas, il y a des gens qui aiment bien, c'est une occasion de se retrouver en famille, je me suis. Puis surtout, il y a le petit Nabo qui est parti en Égypte et ça m'a énervé. Donc je me dis que vraiment, il fallait que je mette plutôt de la musique un peu énervée parce que on va souhaiter tous la bonne année dans 2 jours. Mais je pense que ça va être une année très, très, très difficile à laquelle on s'apprête à vivre, aussi bien au niveau... on commence dès le début, hein, puisqu'on va devoir payer maintenant les médicaments. C'est-à-dire que quand vous aurez une maladie, vous devrez payer, enfin, toutes ces choses-là. Donc, on se prépare une année difficile et au point de vue de la culture qui va être encore plus compliquée. Donc, on va avoir une programmation énervée. Et on commence bien évidemment, qui dit énervé, par du rock américain. On commence avec Rage Against the Machine, Know Your Enemy. On commence fort, après, ouais, ça va se calmer un petit peu. Et on revient après pour parler du DMA. À tout de suite. We'll be right back. are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams. C'est donc toujours Bulle de rêve, l'émission 100% animation. On écoutait Rage Against the Machine, Know Your Enemy, connais ton ennemi. À la fin, il parle du rêve américain. Nous, le rêve français, il a changé. C'est travailler plus pour gagner plus dans certains milieux et mourir plus vite dans d'autres pour coûter moins cher à la retraite. Donc, Rage Against the Machine, Know Your Enemy, Bulle de rêve. Alors, Théo, Marine, on va commencer par toi. Pourquoi l'animation ? Pourquoi l'animation ? Bah, c'est la... D'abord une passion pour l'image, le dessin et tout, et l'envie de raconter des histoires, l'envie d'avoir un moyen pour s'exprimer graphiquement sur des thèmes qui me plaisent, et pourquoi pas le cinéma d'animation. Théo ? Bah finalement c'était plutôt pour moi une évolution logique puisque j'ai toujours dessiné, j'adorais le dessin, et puis et le cinéma c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, et un jour j'ai découvert presque par hasard en fait qu'on pouvait conjuguer les deux dans un même médium. Et tout de suite, ça m'a passionné. Ouais. Et pourquoi le DMA ? Pourquoi le DMA ? Parce que c'était une des meilleures formations auxquelles je pouvais prétendre. Et comme je me suis présenté, que j'ai été pris, j'ai pas hésité une seconde. Marine, toi, qui es en deuxième année maintenant, pourquoi le DMA à la base ? J'avais fait différentes portes ouvertes et tout, et c'était vraiment ce qui me convenait dans l'évolution de ma mise à niveau et tout, parce que ça aborde vraiment toutes les différentes étapes de la création d'un film. Donc c'était vraiment ce qui me plaisait. Alors évidemment, pour parler du DMA, bon, moi je suis prof là-bas, mais pour parler du DMA, il fallait mieux demander à l'un des piliers du DMA de l'ESAD de Roubaix, donc Jean-Pierre Denève, que j'ai eu au téléphone hier, et donc j'ai une petite interview de Jean-Pierre qui va nous expliquer en une vingtaine de minutes à peu près ce que c'est le DMA, pourquoi le DMA a commencé, et voilà, et un peu plus tard, on écoutera aussi deux interventions de deux anciens, des deux premiers du premier DMA d'animation, donc de Roubaix, qui sont Gilles Cuvelier et Gabriel Jacquel, que j'ai eu aussi au téléphone hier. Mais pour l'instant, on écoute donc Jean-Pierre Denève qui nous explique, l'un des brillants professeurs et l'un des piliers de cette école, t'entends bien Jean-Pierre tout ce que je dis, qui va nous parler donc du DMA. On écoute Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est quoi le DMA exactement ? Alors le DMA, bon, c'est une création en fait qui a été faite à Roubaix en 1998 suite à une histoire du dessin animé qui existe depuis très longtemps dans notre école, l'ESAT à Roubaix, puisqu'en fait on s'est appuyé sur une option qui existait depuis de nombreuses années pour créer ce diplôme qui permet d'avoir une formation maintenant post-bac en 2 ans et qui, en termes d'équivalent d'études, équivaut à un BTS à appliquer. DMA, ça veut dire exactement ? Ça veut dire diplôme des métiers d'art. Il y en a quelques-uns en France, c'est surtout pour permettre à des jeunes de se confronter à des métiers qui sont assez pointus. Les diplômes équivalents lors de la création, c'était un DMA céramiste par exemple, un DMA mosaïste, donc des métiers qui sont assez pointus et qui nécessitent des connaissances professionnelles assez poussées. Et donc pourquoi l'envie exactement d'en faire un sur le cinéma d'animation ? Parce que tu dis, c'était quand la première année ? 1998. Donc bon, c'était l'animation était commencée un petit peu à faire parler d'aller un peu plus, on va dire, au niveau d'un public un peu plus large, mais quand même, c'était pas encore tout à fait ça. Bah, il faut savoir que c'est une formation qu'on n'a pas montée uniquement avec des enseignants. On avait l'appui de professionnels qui nous suivent depuis quelques années, depuis de nombreuses années même, au sein de notre école, et qui c'est un peu sur leur impulsion et leur envie qu'on a décidé, donc avec eux, qu'on a travaillé avec un certain nombre de professionnels pour monter cette formation, d'essayer donc de réfléchir à une formation qui soit plus diplômante et qui mette en évidence des compétences qui n'étaient pas forcément représentées à l'époque par d'autres formations. C'est quoi les conditions pour rentrer ? Il y a des, au niveau de l'âge, au niveau des diplômes, c'est... Alors, quoi la limite d'âge, elle est de 23 ans. Et le type de recrutement est le même que pour toute formation à appliquer post-bac, à savoir qu'il y a deux étapes. Une première étape sur dossier scolaire, donc pour pouvoir postuler pour un DMA cinéma d'animation, il faut avoir fait soit un bac à appliquer, STI option à appliquer, ou avoir fait un bac général et une mise à niveau à appliquer entre les deux. Ensuite, donc, il y a une sélection qui se fait sur dossier scolaire, et si les candidats sont retenus, ils viennent passer donc un entretien dans notre établissement où ils présentent donc les travaux de leur année, de leur cursus, donc soit de bac, soit de mise à niveau, avec une volonté de notre part d'être beaucoup plus vigilant sur leur qualité de dessinateur, puisque donc le DMA tel qu'il est appréhendé à l'ESAT repose avant tout sur une approche traditionnelle du métier, donc le dessin reste l'élément fondamental du cursus. 23 ans, c'est un peu jeune, c'est voulu ou... Oui, ça fait partie, donc le DEMA c'est un diplôme éducation nationale, donc ça fait partie de la réglementation qui régit un peu toutes les formations post-bac, que ce soit BTS ou DEMA. Est-ce que dans leur dossier ils doivent amener des choses très personnelles? Alors c'est vrai qu'on demande d'avoir une représentativité la plus complète possible déjà de leur cursus scolaire, mais c'est vrai que pour notre DEMA, on demande de venir agrémenter ça de carnets de croquis personnels, de nous montrer un petit peu toute la palette dont ils peuvent faire preuve et leur motivation aussi, donc au travers de leur dossier. Donc il peut y avoir aussi des petits exercices, des petites expérimentations d'animation qu'on peut voir de temps en temps, sachant qu'on a tous les moyens de diffuser, de regarder ça dans notre école, donc ça peut être toujours des petits plus. Alors il y a une grande différence entre le dessin évidemment et ensuite ce dessin en mouvement. Est-ce qu'on repère facilement chez un étudiant quelqu'un qui va être peut-être doué déjà à animer ses dessins, ou non, c'est un peu un challenge des fois et un pari? Bah, quelquefois, on sent assez vite l'acuité visuelle des candidats, c'est-à-dire de la manière avec laquelle justement ils dessinent et représentent un petit peu le monde qui les entoure. Par moments aussi, il y a des coups de cœur, c'est-à-dire qu'il y a des candidats qui nous semblent intéressants avec un potentiel ou un univers qu'on aimerait voir bouger. Donc c'est vrai qu'on peut parler de pari. Bon, ça reste très ponctuel. Le but aussi, c'est que tous ces jeunes arrivent à obtenir leur diplôme au bout de 2 ans, mais ça arrive de temps en temps, c'est vrai. Au niveau de l'enseignement, alors, qu'est-ce qu'ils vont avoir? C'est en 2 ans, c'est ça? Alors là, oui, c'est ça, c'est en 2 ans. Donc là, ce qui nous différencie d'autres formations qu'on peut trouver, comme je pense au Gobelin ou Superfocom, nous, notre secteur, notre formation se veut assez polyvalente. C'est-à-dire que lors de la création de ce diplôme, on a avant tout essayé de réfléchir à un profil qui permettrait d'être le plus polyvalent possible et de permettre aux jeunes de à la fois de se retrouver sur des, par exemple, sur du storyboard, sur de la recherche d'univers graphique, sur de l'animation. Donc c'est une formation qui est à la fois théorique et pratique, puisqu'on a aussi mis l'importance sur l'écriture scénaristique, sur la manière de raconter une histoire. Pour nous, c'est très bien de savoir dessiner, mais si derrière le scénario n'est pas bon, bah, le dessin animé sera moyen. Donc ça, c'est un point de vue un petit peu personnel. Donc c'est vrai que durant leur formation, ils vont à la fois avoir des cours de scénario, de cinématographie, et après des cours pratiques autour de l'image en mouvement, du dessin, du décor, du compositing, avec la particularité d'être confrontés à la fois à des enseignants fixes, ouais. On n'est pas très nombreux, on est 6 à peu près, et après donc d'avoir avec nous une rotation de professionnels qui viennent donc faire des interventions plus ou moins longues avec les élèves, ce qui leur permet d'être confrontés aussi à la profession dès la première année. Pour découper un petit peu, la première année va être plutôt basée sur quoi? C'est-à-dire que là, ils apprennent vraiment plus à perfectionner leur dessin, ou non, comme ils sont déjà, normalement, ils doivent pas trop mal dessiner, ils sont déjà dans le mouvement, dans le dessin en mouvement, le scénar c'est déjà dès la première année, ça se découpe comment? Disons que la première année c'est avant tout l'apprentissage, donc on reste sur pour reprendre un terme qu'aiment bien nos inspectrices, on est sur le soclage basique. C'est quoi le soclage basique? On va essayer de leur donner un petit peu tous les outils nécessaires pour leur permettre ensuite de s'exprimer dans de bonnes conditions, donc c'est vrai qu'on va les initier à l'image en mouvement, en parallèle ils vont toujours approfondir leurs connaissances en expression plastique, en dessin. Ils ont des cours de cinématographie, ils ont des cours donc de scénario, des cours d'anglais, qui est une langue qui est importante aussi pour le métier dans lequel ils essaient de s'engager. Donc on a quelques heures d'anglais par semaine, un peu de sciences physiques aussi, mais toujours appliqué au langage de l'image animée. C'est-à-dire que lorsqu'on a réfléchi à ce programme, on a essayé de surtout ne pas cloisonner les cours, mais d'avoir une formation transversale, c'est-à-dire que tous les cours se complètent et sont complémentaires. En deuxième année, le fonctionnement est un peu différent, puisque donc là, chaque étudiant doit développer un projet personnel. Donc ça peut être un projet de court-métrage, un projet de pilote pour une série télévisée. L'objectif étant de ne pas l'avoir terminé au bout d'un an, mais de le rendre vivable en termes de projet. C'est-à-dire que le scénario doit être cohérent, l'univers graphique également, et les étudiants ont la charge de réaliser 1 minute 30 à peu près d'animation pour la validation de leur diplôme. D'accord. Ils ont le choix, tu disais. Il n'y a pas d'obligation de faire ou un court-métrage ou une série. Il y a vraiment le choix. Là, on laisse libre choix aux étudiants puisqu'ils vont travailler dessus pendant un an. Donc, on part aussi du principe qu'il faut qu'ils se fassent plaisir. C'est peut-être un moment aussi important pour eux de partir dans un univers dans lequel ils sont plus à l'aise ou une histoire qu'ils ont envie de communiquer. donc on laisse choisir. Bon, maintenant, si c'est un projet qui nous semble trop ambitieux ou au-delà de la demande, on n'hésitera pas à les recibler, si, à les recadrer si nécessaire. Est-ce qu'ils n'ont pas des fois, ils vont pas un petit peu trop vite ou trop loin dans leur projet? Ça, c'est à nous à les recadrer. Hein. C'est le travail de l'enseignant et de l'équipe qui les entoure sur ces projets, puisqu'il y a vraiment un turn de différents interlocuteurs, surtout sur le premier trimestre, qui est le premier trimestre de la deuxième année, qui est le démarrage du projet. C'est vrai qu'ils sont confrontés à de nombreux avis. Il y a pas mal de nos intervenants qui viennent travailler avec eux, justement, sur le recul à avoir par rapport à une histoire, ne pas trop basculer dans l'affect qui n'intéressera pas beaucoup de monde. On essaie donc de les faire avancer là-dessus. C'est-à-dire ils ont à peu près 3 mois pour réfléchir à un scénario qui soit cohérent et qui soit susceptible d'intéresser le plus grand nombre. Et ensuite, comment se passent les fins d'année, c'est-à-dire les jurys de fin d'année? Alors, la validation se fait en deux temps. À chaque fin d'année, que ce soit en fin de première année ou en fin de deuxième année, les étudiants sont confrontés à des unités de valeur qu'ils ont à valider, un peu comme en université. C'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre d'unités de valeur à avoir en fin de première année, donc c'est au nombre de 5. On va trouver, par exemple, donc l'UE, ça s'appelle des unités d'enseignement, ouais. Donc il y en a une en expression plastique, où on va valider leur niveau de dessin au bout d'un an de formation, après tout ce qui concerne la pratique. Donc là, c'est plus autour de l'image animée. Un UE donc d'anglais et de français, et un UE de sciences physiques. En deuxième année, on retrouvera le même principe avec un. Et en première année, l'UE de cinématographie? Alors, l'UE de cinématographie, c'est une validation en formation continue. D'accord. Parce que les autres, il y a un vrai jury. En anglais, par exemple, en français, je te coupe, mais en anglais-français, ils ont vraiment, ils doivent rendre quelque chose de précis en première année. Là aussi, c'est pas un contrôle terminal, c'est quelque chose qui est validé tout au long de l'année. D'accord. On est en contrôle continu pour ces unités de valeur-là, pour les unités d'expression plastique et de pratique. Là, c'est une prestation qui se fait. Il y a un jury. Il y a un jury. Et donc deuxième année? Deuxième année, on garde le même schéma, c'est-à-dire que là aussi, on va retrouver des unités de valeur. Donc là, on va trouver l'unité de cinématographie. Donc là aussi, c'est un des gros morceaux, puisque donc chaque étudiant a soutenir oralement un thème qu'il aura choisi, qui aura été validé par son imminent intervenant à la fin du premier trimestre. Mmh. Et puis ensuite, nous avons donc l'UE de projet professionnel. Là aussi, qui est assez impressionnant, puisque les étudiants vont se trouver confrontés à un jury qui est fait à la fois de l'équipe enseignante qu'ils connaissent et d'un nombre de professionnels très important qui va venir donc valider les acquis professionnels de chacun des candidats. Sauf que, ayant participé à ce jury, en fait, le jury des enseignants, enfin, les enseignants n'ont pas le droit à la parole, en fait. La note et l'évaluation est faite avant tout par les professionnels. Nous, on se met, l'équipe enseignante est là pour valider, pour être plutôt témoin du travail fait par les élèves, mais n'intervient aucunement dans la notation de cette épreuve. Donc c'est assez difficile, parce qu'il faut vraiment réussir à convaincre finalement ces gens qui sont en plus de milieux différents. Il y en a du cours, il y en a de la série télé, enfin... Oui, c'est vrai qu'on essaie de retrouver un petit peu ce qui faisait la richesse de la formation en termes d'objectifs, hein, puisqu'on ne s'arrête pas uniquement qu'au film d'auteur, c'est de retrouver un petit peu cette richesse au niveau des différentes personnes qu'on invite pour le jury. Mmh. Au niveau, tu parlais de professionnels, c'est-à-dire qu'il y a des gens professionnels, certes, dans l'encadrement, il y a des gens qui viennent, il y a Gilles Cuvelier, notamment Gabriel Jacquel, qui sont des anciens du DMA et qui viennent, mais il y a aussi de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils participent, les étudiants participent à des exercices, on va pas dire professionnalisants, mais il y a des stages, ouais, tu nous parles un peu de ça. Il y a un stage en entreprise qui est effectué à la fin de la première année, de 4 à 6 semaines. Avec une coupure pour le festival d'Annecy, puisque depuis que le DMA existe, on a pour habitude d'y passer, c'est un rendez-vous obligatoire, pour se rendre compte un petit peu de ce qu'est le cinéma d'animation. Dans sa diversité, oui, ça leur permet de voir un peu ce qui se fait complètement. Ouais. Donc le rendez-vous d'Annecy était quelque chose de très important pour nous. Donc stage en entreprise, et puis ensuite, donc depuis 2-3 ans, on essaie aussi de répondre à une demande. On a participé au concours Canal J, qui est une manifestation organisée par le groupe donc de la chaîne et qui a pour objectif de promouvoir un petit peu les formations françaises. Donc on s'y est inscrit on y participe depuis 2 ans. Ce sera notre 3e participation cette année. Bon, pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé pour les films de l'ESAT. 2 ans de victoire. Voilà. Donc on va essayer de faire aussi bien cette année. Ouais. Mais c'est vrai que ça permet ce genre d'expérience. Donc on y répond quand on estime que c'est intéressant. Pédagogiquement parlant, hein, c'est pas pour dire de faire du projet pour faire du projet. Bon, l'intérêt notamment du concours Canal J, c'est d'inscrire tout le monde dans une logique professionnelle, puisque on les fait travailler par équipe, des équipes qui sont tirées au sort pour éviter toute cooptation. Puis ensuite donc le film, les copies sont ramassées au bout d'un mois. Donc le challenge c'est de faire des petits films d'une minute qui puissent être diffusés, qui soient ciblés, puisqu'on est la cible est imposée, ce sont les enfants. Et donc l'objectif c'est d'arriver au bout de 4 semaines de travail à rendre des films qui soient pertinents, qui soient intéressants, qui soient riches et qui puissent répondre donc, à une demande précise. Je râlerai juste par rapport à ça, c'est que depuis l'année dernière, ça change et maintenant, alors qu'avant c'était vraiment le pur plaisir, alors c'est vrai qu'on pouvait se dire, c'était voilà, de faire quand même et puis de leur montrer qu'il fallait par rapport à une certaine tranche d'âge répondre, comme tu dis, à une obligation, on va dire. Et là, ça change puisqu'il y a de l'argent qui va être mis en jeu par Lagardère. Voilà, c'est un peu dommage. C'est vrai qu'on avait mis quelques réserves auprès du groupe Canal J avec un de mes collègues sur ce principe, mais bon, a priori, c'est entériné. Donc maintenant, le groupe Lagardère décide de débloquer sa tombe de bourse. Et donc cette année, nouveauté, il y aura deux prix. Le prix du public, ça c'est ce qui existait déjà auparavant, et un autre prix qui sera décerné par un jury professionnel. Oui, parce que le prix du public n'était pas suffisamment bien pour Canal J. Ça, c'est ma vision personnelle des choses, mais c'est amené maintenant finalement des écoles qui ne participaient pas, parce que justement il n'y avait pas d'argent, à participer. Ah, c'est sûr, oui, cette année, effectivement, comme par hasard, un nombre d'écoles plus important s'est inscrit. Voilà, l'appât du gain, encore une fois, fait fonctionner les choses. Le stage, vous avez c'est partout en France, en fait, pas d'obligation. Bon, c'est vrai que sur la région Nord, ça commence à bouger sérieusement depuis 2 ans, puisque bon, on a déjà des petites structures qui existent depuis quelques années, qui font leur petit bonhomme de chemin. Je pense au studio Train-Train, qui s'est implanté à Roubaix, qui est géré par 2 anciens, d'ailleurs, du DMA, première promotion. Et puis, on a une collaboration, donc on suit assez près ce qui se faisait aussi jusqu'à présent avec les films du Nord, et on a donc des antennes importantes qui se créent dans le Nord, je pense à Ankama. Ouais. Je pense à Planète Nemo qui est en train d'ouvrir une structure sur l'île. Okay. Et IP4U aussi, qui est une société qui était auparavant spécialisée autour de la téléphonie mobile et qui est en train de monter une structure pour faire de la production de séries avec 60 personnes sur l'île. D'accord. Donc sinon c'est vrai qu'après au niveau des stages, bon, ça devient surtout parisien. Il y a beaucoup de nos élèves qui partent faire leur stage sur Paris, et quelques-uns descendent plus bas puisqu'on a aussi une petite structure sur Bordeaux. Il y en a qui vont chez Folimage à Valence, donc ça reste assez ouvert géographiquement parlant. C'est vrai que je pense que si on s'engage dans ce métier-là, il faut savoir être mobile et savoir bouger, quoi, et savoir se bouger. Ce qui est intéressant, c'est que la différence de ce que tu m'en avais parlé, à la différence de certaines autres écoles où on peut laisser un peu les stagiaires, vous allez voir, des profs vont voir dans ces structures finalement où en sont ce que font les stagiaires. Voilà, c'est vrai qu'on essaie dans la mesure du possible, puisque pour nous c'est souvent des périodes assez chargées en termes d'examen, mais on essaie quand on le peut, pour l'instant on y arrive, d'aller voir directement, de rencontrer les studios qui veulent bien accueillir effectivement nos élèves, pour voir déjà comment ça se passe, voir si on reste bien en phase avec les exigences de la profession. Et ça permet aussi de faire des échanges, de voir des vrais professionnels, et de voir si effectivement nos élèves s'inscrivent dans une logique de chaîne de fabrication cohérente. Est-ce qu'il est arrivé que des stagiaires finalement signent dans... c'est en fin de première année, donc c'est un peu difficile, ils sont souvent un peu jeunes. Est-ce qu'ils gardent des bons contacts avec ces sociétés? Oui, on a des cas. Je parlais d'Ankama tout à l'heure. C'est vrai, Ankama qui est donc un studio qui d'abord fait du jeu en ligne et qui maintenant rebondit sur cet univers online pour faire une série animée qui va être prochainement diffusée sur FR3. Pas mal, je dirais, débauché et embauché de nos élèves de DMA à des postes déjà d'un bon niveau. Alors justement, pour finir évidemment, parce que c'est quand même important, les débouchés, ça c'est quoi? On a deux profils d'élèves en fait en fin de formation. Il y en a certains qui décident de se lancer dans la vie active, donc dans ce cas-là, travail, ça se passe plutôt bien pour eux, hein, puisque je touche du bois là, tout en parlant, le secteur de l'animation, la production faite en France a tendance à revenir. Ouais. Il y en a pas mal qui ont été, donc qui travaillent, bon c'est des contrats intermittents, mais qui travaillent sur des studios qui travaillent beaucoup pour la série, je pense à 2 minutes par exemple, chez Planète Nemo aussi, on en a quelques-uns. Donc on a donc un profil d'étudiants qui décident de rentrer dans la vie active et qui arrivent assez facilement à se placer, et d'autres qui ont envie de continuer. Pour eux, c'est le DMA n'est qu'un tremplin, et donc soit s'inscrivent et poursuivent au Gobelin par exemple. C'est vrai qu'en ayant fait 2 ans de DMA, on a beaucoup plus de chances d'obtenir le fameux concours d'entrée qui reste assez difficile. Cette année, on a encore eu 4 sur 5 qui ont été acceptés là-bas. Après, il y en a qui partent, qui vont plutôt partir dans une logique de film d'auteur et donc vont tenter l'école de la Poudrière, par exemple, ou les Arts Déco. Et puis après, on en a d'autres qui aussi ont fondé leur petite structure. Je pense, donc, j'ai parlé du CIO Train-Train tout à l'heure, c'en est un des brillants exemples de deux anciens du DMA qui ont fondé leur petit studio et qui, là aussi, maintenant, commencent à avoir des commandes et des assez très sérieuses et puis travaillent à temps plein. C'est facile pour les étudiants là, qui aimeraient venir de se loger à Roubaix? Oui. On a les mêmes antennes et les mêmes services pour toute ville universitaire. Donc Roubaix a déjà un panel de logements qui sont assez vastes et variés. Sinon après, bien sûr, Lille, là aussi, présente un nombre important de logements étudiants et des facilités d'accès puisqu'on a le métro, on a plusieurs types de transports en commun qui permettent les échanges entre Lille et Roubaix de manière très très facile. Question piège à la fin qui n'a rien à voir avec le DMA. On est en fin d'année, un coup de cœur pour cette année 2007 en animation, en long ou en court métrage? Un coup de cœur. Moi je suis resté très séduit par Ratatouille sorti pendant l'été. Bon, je reste dans le commercial, mais... pour moi ça reste de grande qualité, tant au niveau esthétique que scénaristique. C'est un film qui m'a quand même assez touché et que je trouve assez superbement réalisé. Ok. Et alors juste pour le prochain, c'est le générique du Carrefour de l'animation. Donc, voilà, hein. Oui, qui est en phase qui va peut-être être livré d'ailleurs, hein, juste après les vacances de Noël. Donc qui a été géré par une petite équipe de notre deuxième année. Ce sera une animation qui reposera uniquement sur une animation typographique. Donc je vais pas trop en dévoiler, on laissera la surprise pour ceux qui auront la chance de le voir. Ok, on verra ça de toute façon, on reparlera du Carrefour à Bulle de Rêve, donc voilà. On reparlera du générique. Merci beaucoup. De rien. Bonne continuation. La publicité pour nos auditeurs, c'est que l'ESAT ouvre ses portes le 25 et 26 janvier. D'accord. Donc si certains sont intéressés de venir voir les élèves, leurs travaux, c'est avec joie que nous les accueillerons. Et les professeurs. Et les professeurs. Et oui, et les professeurs. Donc c'était Jean-Pierre, c'est toujours Bulle de Rêve sur Radio Libertaire, et c'est Jean-Pierre Denève qui nous parlait du DMA de Roubaix, donc les SAT. Je vous rappelle, hein, 25, je vous le rappellerai, 26 janvier pour rencontrer et Jean-Pierre et peut-être Marine et Théo qui sont autour de cette table et tous les autres élèves et voir un peu ce qu'ils font pour un petit peu voir ce que fait ce diplôme des métiers des arts. On en parlera un petit peu plus, savoir sur quel débouché ce qu'on fait un petit peu très longuement, avec Théo et Marine et des anciens, des interviews d'anciens élèves. Toujours en musique, on va faire un petit break musical et là on va se faire un petit plaisir qui peut agacer peut-être les oreilles de certains, parce que je sais qu'il y a des puristes. On va écouter un morceau de Bob Marley. Alors ça, on va me dire, bon, il n'y a pas de problème, qui s'appelle Rebel Music, mais c'est tiré à une époque, les enfants de Bob Marley et pas mal de gens du hip-hop et du rap américain se sont rendus compte qu'en fait le message de Bob Marley n'était jamais passé réellement aux États-Unis et ils se sont dit qu'ils allaient faire un album en fait mélangeant les deux, c'est-à-dire d'un côté sampler entre guillemets, faire des duos entre la musique de Bob Marley et du hip-hop. Alors il y a des très bons morceaux, il y en a qui sont plus ou moins loupés, mais il y a des choses vraiment que moi j'aime beaucoup et là ce qu'on va écouter c'est Rebel Music, musique rebelle où évidemment c'était obligatoire qu'avec Crazy Bone on écoute donc Bob Marley. Free 3 o'clock, must die, we march forward for sure. Checking as quick as policemen to war. Retaliate to be spotted, we gotta be body bad. Got no love for y'all. Politician feeling, erase them all. I wanna be free, please. Could you let my people go? Forget that we sick of the drama, we finna get wrong. We won't ask no more. What you pulling me over for? Was I speeding? Probably so. These big bend engines ready flow. Just buy me a chicken to let me roll on, but no. They wanna harass me, ask me can they sense my truck, that's when I start laughing. For what? And I've got to throw away. Yes, I've got to throw away. Yes, I've got to throw away. My little herbs talk. For what? Donc c'était Bob Marley et Crazy Bone dans cette version, cette nouvelle version de Rebel Music. Juste, je voulais préciser quelque chose. Vous m'avez entendu parler à un moment donné. Jean-Pierre parle de scénario en disant que c'est une chose importante et vous m'entendez peut-être rire un tout petit peu. Je tiens à expliquer mes rires, c'est que moi je suis pas complètement d'accord. Alors on est tout un corps enseignant et je pense que le scénario est important et l'histoire, mais je pense que dans l'animation, alors ça m'embête parce que évidemment Jean-Pierre n'est pas là pour me contredire et pour croire que j'en profite puisqu'il n'est pas là pour le contrôler, alors que c'est pas du tout mon envie, mais c'est vrai que j'ai toujours pensé que si un scénario était important, je pense que dans l'animation, l'image étant primordiale, évidemment, je pense qu'un découpage de ces idées vient avant le scénario et que finalement le scénario en animation vient un petit peu plus tard. C'est, si je vous dis ça, c'est pour vous dire à quel point en effet il faut pouvoir butiner en fait dans chaque professeur ou en tout cas prendre ce qu'on a envie dans chacun et qu'on aura tous des petites choses différentes, même si il y a un courant qu'elle même, on aura des petites choses qui sont un peu différentes et même si raconter une histoire, que ça soit aussi bien dans un film expérimental que dans un film narratif, raconter, on va dire, avoir un déroulement d'histoire, évidemment pas d'histoire mais un déroulement d'un film est évidemment primordial pour la compréhension, on va dire, et de ce film et encore une fois même dans de l'expérimental. Ceci étant dit et repréciser vraiment que je trouve scandaleux que Lagardère puisse récupérer des choses comme ça et quelque chose comme Canal J qui avait fait c'était plutôt agréable, c'était les élèves pendant un mois faisaient un petit peu Marine va pouvoir nous en parler, mais faisaient quelque chose de voilà d'une minute, deux minutes, et pour les élèves, pour les enfants, c'était dans un cadre et il y avait pas d'argent et c'était un peu le plaisir de le faire comme on faisait avec Jean-Pierre, et là de mettre de l'argent, évidemment des nouvelles écoles, de nouvelles écoles qui ne voulaient pas participer parce que c'était trop de travail en plein milieu, se mettent à participer, et que même à l'intérieur des élèves eux-mêmes, évidemment, ça ne peut pas être forcément bon, puisque comme il y a cet argent à la clé, il y a forcément d'un seul coup une demande de se dire, je me rappelle l'année dernière, ceux qui ont gagné ça, je les comprends, d'un seul coup c'était, mais dès qu'il y avait les 5000 euros, je ne sais plus combien c'était, mais quand est-ce qu'on va les recevoir, parce que là c'est les vacances, alors c'est soi-disant pour faire un film, mais c'est voilà, donc c'est vraiment quand une récupération. Tu te souviens, toi, de Marine, de ton expérience déjà l'année dernière, ouais, puisque celle de cette année, ça sera en janvier De Canal J, ouais. En première année. Vraiment une très très bonne expérience. En fait, on reçoit les papiers de Canal J, on a un thème imposé. Et donc, on a un mois pour faire un court-métrage d'une minute sur ce thème, en le développant entièrement, du scénar à la conception graphique, la bande-son, et de faire sa petite histoire comme ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est un travail en fait en équipe de quatre personnes. On est deux de deuxième année et deux de première année. Et donc, on s'apporte énormément mutuellement. Et c'est vrai qu'en un mois, on est très speed, on apprend finalement beaucoup sur l'animation et aussi forcément sur le travail en commun. Et c'est vraiment un aspect du travail qui est très très intéressant. Et cette expérience, elle est vraiment là pour ça, pour nous montrer autre chose finalement que cet aspect purement peut-être scolaire de la première approche qu'on peut avoir de l'animation, mais d'aller un peu plus loin dans cette expérience. Il n'y a pas une... les deuxièmes années qui prennent le pas sur les premières années dans le groupe de quatre ? Ça se passe bien ? Non, ça, enfin, l'expérience personnelle, ça s'était plutôt bien passé. Vraiment, on apporte chacun finalement ses compétences et ses qualités, ses idées par rapport au projet. Donc, c'est sûr que généralement, les deuxièmes années sont plus là pour épauler techniquement parce qu'ils ont un vécu et un bagage qui est plus important que le nôtre, hein, généralement. Mais c'est vrai que c'est vraiment quand même un travail d'équipe et chacun passe par des tâches qu'il apprécie plus ou moins. Et au final, on arrive à composer pour rendre un projet, quoi. Théo, toi, tu l'as pas encore fait, puisque ça sera en janvier. T'attends quoi de ce genre d'exercice ? T'attends quelque chose de particulier ou tu vas bien voir ? Déjà, ça permet de travailler éventuellement avec des personnes avec lesquelles on n'aurait pas forcément travaillé à la base, puisque bon, les deuxièmes années, on les voit, on les croise dans les cours, mais on n'a pas l'occasion de faire des travaux en commun. Et de la même manière. Dans la première année, on a plus tendance à travailler avec des personnes avec qui on a plus d'affinité, mais si on s'entend tous très très bien dans la classe. Et là, ça va permettre de forger des liens différents et puis d'apprendre un peu à travailler sur toute la chaîne de production du film, tout en apprenant des choses en fait dans chaque domaine, au fur et à mesure des difficultés qui se présenteront dans le projet. Pour revenir à l'entrée. À l'ESAT, au DMA, Marine, tu t'en souviens ? Qu'est-ce que c'était ? Il fallait amener, Jean-Pierre nous en a parlé un petit peu, il y a un bout, qu'est-ce qu'il faut, l'oral, ça se passe comment? Alors, exactement, pour ceux qui veulent se présenter, donne-leur des tuyaux. Des tuyaux, carrément. Non, en fait, donc il y a une première partie de l'inscription qui se fait purement de manière administrative, on va dire, donc les envois de papiers officiels, de choses comme ça, puis après on se retrouve à un oral, donc généralement on est devant un groupe de trois professeurs. Déjà, vous avez été choisi, puisque je suppose, vous êtes combien, tout le monde ne passe pas, ça tu ne dois pas le savoir, je n'ai pas dit à Jean-Pierre, mais vous ne passez pas tous à l'oral. Il y a déjà un premier choix qui est fait, c'est ça, au niveau du... Il y a un premier choix sur le dossier. Du dossier, d'accord. Sur le dossier, parce qu'il y a déjà, je crois, un bout graphique. Je suis plus tout à fait sûr, comme j'ai... Non, il y a plus. Alors, c'est vrai que... Théo, vas-y, n'hésite pas, parce que comme toi, c'était il y a moins longtemps, voilà. Ouais, non, juste pour ajouter, il n'y a pas de dossier graphique, en fait, il y a juste un dossier scolaire. Donc finalement, là, s'il y a une sélection qui va se faire sur ce dossier-là, ça va être uniquement sur les notes, finalement. Ok, donc avant l'oral, c'est uniquement dossier scolaire. Et l'appréciation, effectivement, aussi. Ok. Puisque donc, effectivement, on l'a sûrement dit, mais le DMA se fait uniquement après un bac à appliquer ou après une mise à niveau. D'accord. Et donc, ça va être sur les notes et les appréciations de ces années-là, selon... Mise à niveau, c'est après le bac, c'est ça ? Mise à niveau, c'est après le bac. C'est un an qui permet, en théorie, de rattraper le niveau de ceux qui ont fait les 3 ans de lycée à appliquer, STI à appliquer. Et donc, finalement, cette année, elle consiste plus particulièrement... Marine a fait une mise à niveau également, mais a préparé les entretiens à la fin de l'année. Toi, t'en as fait BTS. J'ai fait une mise à niveau. Où ça ? À l'école Estienne à Paris. On a fait la même, voilà. Exactement. Et donc, ça permet donc de pouvoir préparer, en effet, ce... De passer les BTS et les DMA. D'accord. Ensuite, l'oral, Marine. L'oral, donc... Comment ça se passe ? On amène un book graphique. On essaye de montrer un peu nos compétences qui nous plaisent. Donc, il faut vraiment montrer une certaine diversité dans l'écriture. Et montrer aussi qu'on est vraiment attaché à ce milieu-là. Donc il faut essayer d'avoir des croquis, du dessin d'invention, de l'architecture, enfin pas mal de choses. On peut aussi présenter des productions à côté plus personnelles, on va dire, des essais d'anime ou d'autres choses. Et finalement, c'est montrer son univers, sa personnalité aussi. C'est pas foncièrement, il faut un niveau en dessin, mais il y a aussi des personnalités derrière qu'on recherche. Et il y a un réel travail en fait de communication par rapport à notre passion, à nous, ce qu'on peut apporter finalement à cette formation-là. Tu parles d'essais d'anime ? C'est une obligation aujourd'hui ? Vous en aviez tous ou pas ? Non, pas du tout. C'était pas du tout une obligation. Chacun arrive avec son vécu, son bagage. On est là pour apprendre. Donc on n'est pas là pour savoir animer avant d'arriver. On est juste là avec l'envie d'apprendre et c'est tout ce qu'il faut faire passer finalement. Qu'est-ce qu'on ressent ? Parce que c'est la première fois qu'on est devant 3 personnes et qu'on est censé enfin devant un X, c'est combien, 3 personnes, c'est ça? Ouais. Non, combien, voilà, 3 personnes, c'est peut-être pas la première fois. Vous étiez vous avez quoi justement la mise à niveau, tu disais, toi Théo aide justement à ce niveau là ou... Oui, on fait pas vraiment de préparation d'oraux, mais finalement je pense que la plupart des personnes qui rentrent en mise à niveau avant de au moment où ils tentent la mise à niveau, ils tentent également d'autres écoles pour avoir éventuellement un pied à terre, enfin un point de chute au cas où. Et finalement, ça se passe presque toujours par oral aussi dans ces autres écoles. Vous vous souvenez de vos de votre oral tous les deux, Marine, Théo, vas-y, Théo. Bah, ça s'est plutôt bien passé finalement parce que j'avais déjà passé un oral pour un autre DMA cinéma d'animation Estienne la veille, donc j'étais encore bien à chaud et puis j'ai pu montrer les choses, je connaissais mon dossier, donc c'est passé assez calmement. Toi, on se connaît un petit peu avant que tu arrives au DMA, tu as montré que tu aimais bien un certain style d'animation, on va en parler, mais tu aimes bien un style d'animation, tu aimes bien les grands animateurs de chez Disney, ce qui est tout à ton honneur. Est-ce que tu leur as montré ça ou pas du tout? Est-ce que tu as montré ton bagage d'animation? Moi j'ai voulu surtout montrer, en fait, pas un bagage puisque j'en avais pas, mais surtout ce que j'attendais finalement de la formation. Et moi, ce qui me passionnait à la base, c'était l'animation, le travail de l'animateur. Et finalement, ça peut être aussi, un entretien, montrer ce qu'on veut, ce qu'on attend de la formation, ce qu'on veut faire, si on a éventuellement des idées déjà précises ou plus ou moins précises sur ce qu'on va faire après la formation. Donc moi, j'avais essayé plus ou moins d'animer avant de rentrer en DMA, j'ai montré ce que j'avais fait. Mais justement, en fait, c'est absolument pas, on n'est absolument pas noté sur ce pseudo-bagage là, et c'est surtout pour montrer une motivation finalement. Toi, Marine, t'as quand même montré des choses que tu connaissais avant ou pas, ou ouais, vas-y. J'étais très très dessin, moi, enfin vraiment pas forcément dans l'animation, c'était quelque chose qui me plaisait vraiment, mais non, c'était surtout du nu, du dessin, d'observation et d'invention. J'étais vraiment passionnée par ça, donc j'ai surtout montré des carnets, beaucoup d'inventions personnelles, de choses comme ça. Ça s'était plus ou moins bien passé, forcément, parce qu'on a les impressions, forcément. Ça s'est pas si mal passé que ça, puisque finalement, finalement j'y suis. On est à ta deuxième année quand même, voilà, donc ça a été. Donc ça va, mais c'est sûr que c'est impressionnant de montrer son travail finalement et d'avoir. D'avoir un retour. Après, il y a des questions qui peuvent paraître anodines et qui vont nous mettre plus ou moins à l'aise, vu qu'on ne connaît pas non plus les profs qu'on a en face. C'est quoi les questions anodines maintenant qu'on a parlé? Moi, j'ai eu une question, donc j'avais beaucoup de dessins et tout. On m'a demandé pourquoi l'animation, pourquoi pas plus l'illustration que l'animation. Et un peu mal à l'aise, entre guillemets, puisque pour moi, comment dire, c'était d'apporter quelque chose en plus à un bagage que je pensais déjà avoir un minimum. Et c'est ajouter des cordes à son arc aussi. Donc on sait pas, moi je savais pas foncièrement pourquoi j'avais envie de faire ça en rentrant. Je savais que ça m'attirait vraiment. Et j'avais juste envie, entre guillemets, d'avoir des compétences en plus. Puis maintenant, je sais pourquoi j'y suis plus précisément. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, alors première et deuxième année, donc vous ne vous rendez pas forcément complètement compte, mais quand même, est-ce qu'il y a parmi d'autres étudiants ou même deuxième année, il y a de plus en plus de monde qui fait de l'animation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment des gens, vous vous rendez compte, même 6 mois après ou même 1 an et demi après, Marine, pour toi qui es en deuxième année, Théo, toi qui es en première année, de gens qui sont quand même, qui sont là sans avoir de réelle réflexion sur l'animation et qu'ils vont peut-être l'avoir justement au fur et à mesure du DMA? Marine, il y a des gens qui vont arriver avec cette envie d'apporter des choses en plus à leur bagage, mais qui vont se rendre compte en tâtant le terrain quelque part et en essayant différentes formes d'animation finalement de ce qu'ils auront envie de faire passer, parce qu'il y a tellement de débouchés. Un DMA, on n'est pas foncièrement amené à devenir animateur ou storyboarder. Et il y a des gens qui vont découvrir finalement que c'est pas tout à fait ça ce qu'ils veulent, ou qui vont avoir des nouveaux champs d'horizon qui vont s'ouvrir finalement par rapport au cinéma de prise de vue réelle pour certains, puis pour d'autres des choses qui n'ont vraiment rien à voir. Donc oui, il y a une réflexion qui se fait. Théo, toi, tu t'en rends compte aussi de ça? Peut-être pas encore, peut-être. C'est trop tôt, non? Non, mais finalement, on en parle un peu dans la classe. Il y en avait qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils voulaient faire finalement après le DMA ou dans le DMA. Et d'autres qui avaient des idées plus précises. D'autres qui avaient des idées pas forcément précisément sur l'animation, qui voulaient passer par là pour, exactement comme disait Marine, pour apporter quelque chose en plus au niveau des connaissances. finalement, bah, moi, ce que je me rends compte, c'est que moi, j'avais une idée plutôt précise, pas arrêtée, mais précise sur ce que je voulais faire. Finalement, je me suis rendu compte assez vite que bah, l'animation, c'est tellement vaste et tellement riche qu'on peut toujours trouver quelque chose d'intéressant ou qui nous convienne dans ce domaine-là. Et puis, au fur et à mesure que je découvre un peu le processus de fabrication de l'animation, je vois que presque tous les métiers, finalement, dans le domaine-là, pourrait m'intéresser, mais pas forcément me convenir, mais m'intéresser en tout cas. Est-ce que le DMA est une, pour quelqu'un qui en effet aime bien le dessin, aime bien l'anime, ne connaît pas bien l'animation, a vu 3-4 longs métrages, enfin, etc. Est-ce que c'est une bonne, on va dire une bonne entrée dans le monde de l'animation pour savoir justement, vous pensez, comme on le disait à l'instant, oui, ça m'intéresse vraiment ou non, faut vraiment que je change. Est-ce que c'est une bonne formation, Théo? Bah, finalement, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le DMA. Un mais... peu tôt, ouais. Ouais, non, par contre. Non, ce que je pourrais dire, c'est que dans le DMA, finalement, on va voir. Si, on va voir tout de suite. On va voir tout de suite si ça va être possible ou pas de faire son chemin dedans. Et puis, je vois déjà dans la classe, certains se rendent compte que l'animation papier, c'est pas forcément leur truc. Et qu'ils vont se diriger vers l'image fixe. Et ils vont toujours trouver quelque chose qui va leur convenir. Et puis comme c'est pas très spécialisé encore ce qu'on fait même en première année, en deuxième année, après je saurais pas dire exactement, et ben on va pouvoir avoir une vue générale, vraiment générale plutôt. Ouais. Marine ? Oui, bah, je pense qu'au niveau de la formation c'est pas fait de manière très rébarbative, c'est pas une formation vraiment totalement sur la technique et qui se veut complètement fermée à d'autres choses, et c'est vrai que le fait de toucher un peu à tout va permettre vraiment de voir d'autres choses, d'ouvrir de nouveaux horizons et aussi de savoir finalement ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas. Donc je pense que c'est une bonne entrée parce qu'on a le côté technique et à côté on a aussi peut-être plus artistique parce que malheureusement aujourd'hui c'est vrai que généralement les écoles sont un peu cataloguées. Bon, et ben on va écouter, merci, justement l'un des anciens grand du DMA, celui qui a commencé l'un des premiers, ils ont commencé donc en 98. On va d'abord écouter Gilles Cuvelier, réalisateur de Chahut, on va l'entendre, qui est aussi professeur maintenant à l'ESAT, et il va nous parler un petit peu de son cursus, comment lui aussi est rentré à l'ESAT, son parcours et aujourd'hui un petit peu ce qu'il fait. Je m'excuse de suite auprès de lui, il n'avait pas vraiment trouvé de coup de cœur, donc j'ai supprimé carrément tout son passage où il essaye de trouver, et comme je l'ai piégé, je trouvais ça pas très sympa de le laisser, donc je le dis quand même à l'antenne, mais je l'ai quand même enlevé. Donc on écoute Gilles, il y en a pour une 17 minutes. Donc Gilles Cuvelier. Gilles, dis-moi, donc toi t'es rentré, t'es la première année, c'est ça, du DMA? Oui, en 98, si ma mémoire est bonne. Tu te rappelles, toi tu venais d'où exactement? C'était quoi ton bagage? Mon bagage, je venais de la même école, donc l'ESAT de Roubaix. J'avais fait un BTS en art appliqué. Ça s'appelait EVEC à l'époque, c'était plutôt le design d'espace, les stands, enfin tout ce qui est en volume en fait. Et qu'est-ce qui donne l'envie de rentrer dans l'animation, en plus dans une filière qui juste débute, quoi, un DMA qui venait juste de commencer, ça devient comment? Comment dire, au départ je n'étais pas spécialement attiré par l'animation. C'était le dessin, disons, qui m'intéressait avant tout. Ouais. Et j'ai fait cette école pour aborder un peu le dessin. Mais moi, ce qui m'a toujours plu, c'est la BD. C'est de dessiner, donc c'est de raconter des histoires, donc la BD. Et puis là, donc, ils ouvraient cette section au moment où je finissais mon BTS. Et je me suis présenté à l'entretien, quoi. Ouais. Et puis j'ai été pris, et puis voilà. Et tu te rappelles de l'entretien? C'était comment? Je me souviens absolument pas de l'entretien. Qu'est-ce que ça t'a apporté, le DMA, concrètement? C'est la découverte du monde de l'animation, hein. Donc La découverte aussi bien au niveau à la fois de ce qui se fait dans ce cinéma-là et à la fois de la technique, ou dans quel sens exactement? Du cinéma d'animation en général, donc les auteurs, les films, et puis aussi bien sûr la technique et comment se fabrique un film, hein, donc Donc c'est les deux à la fois, hein, puisque on voyait pas mal de films. Et bon, je m'y intéressais déjà avant d'entrer en DMA, hein, mais c'est vrai que ça m'a confirmé, disons, que le choix que je faisais était le bon, quoi. Et tu t'es rendu compte rapidement que, voilà, justement, que ce choix était bon, comme tu dis, que tu pourrais raconter tes histoires comme tu avais envie avec le médium de l'animation. Moi, donc dès que je suis entré en DMA, j'ai tout de suite voulu que c'est, su que c'est ça que je voulais faire en sortant, quoi. D'accord. Mais je savais pas dans quelle branche, à quel poste, vu qu'il y en a vraiment, il y a beaucoup de métiers différents dans l'animation, donc. J'aimais bien animer, animateur, ça m'aurait plu, voilà. Donc dans un métier technique, on va dire, dans un poste technique, animateur, ça me plaisait bien. Décorateur, non, par exemple. Ok, mais c'était, ça tu t'en es rendu compte grâce à, juste parce que c'était toi au niveau de ton apprentissage, tu t'en es rendu compte un peu grâce au DMA par rapport à certains profs, certaines choses, ou comment c'est passé par là, je veux dire, est-ce que le DMA, est-ce que les profs font aller plus vers, à la rigueur, le côté animateur, le côté réalisateur, le côté série? À l'époque, c'était comment? À l'époque, il n'y avait pas de cours d'animation. Comment dire, moi, c'est un peu délicat d'en parler, dans le sens où maintenant je donne des cours là-bas d'animation. Mais il n'y avait pas ce genre de cours, n'existait pas. D'accord. Ou alors, c'était abordé de façon assez brève avec un intervenant. C'était Antoine Lanciot à l'époque. Qui a Folimage, qui venait pendant quelques jours et on lui montrait notre projet et on discutait d'animation. Mais il n'y avait pas vraiment de cours d'animation à proprement parler. Donc moi, l'animateur, ça m'a plu. Je me suis plus renseigné par moi-même sur ce que c'était vraiment le métier d'animateur, disons. Ce qui se passe souvent, de toute façon, quand évidemment le... structure ouvre. Oui, voilà. On parlait à but de rêve des gens de l'ENSAT qui avaient fait la première année, qui disaient bien qu'il y avait beaucoup de choses, évidemment, qu'ils avaient dû faire aussi un peu par eux-mêmes. Ce qui est, ouais. Évidemment. Oui, et puis comme aucun des profs n'était animateur, et que c'est pas facile de trouver dans la région, il n'y en avait pas non plus, hein, des animateurs, puisque. Donc c'est sûr que c'était une section qui s'ouvrait et qui s'étoffe chaque année, quoi. Hein, Et à l'époque, Jean-Bert nous parlait d'un stage. Est-ce qu'il y avait déjà un stage en entreprise à faire? Oui, il y avait un stage en première année, fin de première année. Toi, tu l'as fait où? Moi, je l'ai fait dans une boîte qui s'appelait 2001. Donc, c'était à Montrouge, si mes souvenirs sont bons. C'était sur de la série, sur la première saison du Marsupilami. Et tu te rappelles d'un moment important ou par rapport au choix que tu décidais de faire après ou... Disons que là, j'ai vu que c'était absolument pas dans ce genre de boulot que je voulais atterrir. D'accord. Donc, c'est positif aussi, remarque, comme ça. Ah oui, c'est positif, au moins. Et disons que le monde de la série, de ce genre de série-là, ça m'a refroidi assez, quoi. C'était pas du tout ce que je voulais faire, quoi. Mais j'ai rencontré des gens... par contre, des gens très très bien, dont Émilie. Oui, qui est venue. Qu'on croise régulièrement. Donc, ça a eu des côtés positifs, quoi. D'accord. Mais disons que pour le boulot même, ce que j'y ai fait m'a pas plu du tout, quoi. Donc, l'ambiance ne m'a pas plu. C'est pas une expérience, c'est une bonne expérience pour savoir ce qu'on veut pas faire. Voilà, ce qui est bien aussi des fois. Tu te rappelles de ton projet de fin d'études? Oui, j'en ai eu deux en fait. Ouais. J'avais un projet, une sorte de film de merveilleux, avec un univers fantastique, une chose pas très intéressante. Et puis, 3 semaines avant le jury, j'ai changé, en fait, j'en ai fait un autre. 3 semaines avant le jury? Mais le pré-jury, tu veux dire, pas le... Non, le jury. J'ai carrément changé. Wow. Et qu'est-ce qu'on dit des profs, tu te rappelles? Je me souviens que Bernard, il rigolait, il me croyait pas sur le coup. Et puis voilà quoi. Non mais c'était un projet d'ailleurs qu'on aurait voulu développer avec Gabriel et Yann. Ouais. Après le DMA, voilà, on a toujours des envies. On dit ah tiens, on va faire un pilote, on va faire un petit court métrage. Et puis ça se fait pas quoi, parce que chacun finalement. Va de son côté quoi. Alors justement pour toi après le DMA, t'avais une vraie réflexion. Est-ce que t'avais déjà une idée combien de temps avant, c'est-à-dire que choisir une école, rentrer dans la vie professionnelle, ça t'est venu au dernier moment? Tu vas nous dire ce que t'as fait, mais ça t'est venu au dernier moment, 6 mois avant, comment ça s'est passé exactement? Moi je me préparais disons à essayer de trouver du boulot. Ouais. Enfin, je me préparais pas en fait. Mais je me suis dit, je vais devoir chercher du boulot. Ouais. On avait quelques pistes, parce qu'à cette époque-là, il y avait pas mal de. Enfin, il y avait plusieurs studios multimédia assez réputés. Il y avait Schmann à l'époque, il y avait Œil pour Œil, enfin, il y avait plusieurs studios comme ça qui abordaient aussi la série d'animation et les films d'animation. Donc. Donc j'aurais commencé par là sans doute à mon avis. Ouais. Mais comme j'ai été pris donc au Gobelin, je suis allé au Gobelin quoi. Mais les Gobelins, ça te paraissait, t'as tenté que ça comme école? Ouais, j'ai tenté. C'était en gros ou les Gobelins ou tu rentrais dans la vie professionnelle quoi. Ouais, non, j'ai tenté les Gobelins pour tenter quoi, mais c'était pas une fin en soi disons. Si j'avais pas été pris, je pense que j'aurais travaillé tout de suite. J'aurais pas retenté une deuxième année. Et donc finalement, après on connaît, on a déjà parlé, les Gobelins, et puis Chahut, les Films du Nord. Voilà. En stage où Gabriel était aussi, travaillait lui déjà. Ouais, lui travaillait déjà là-bas, ouais. Donc, et ensuite quand même, parce que ça s'arrête pas là, c'est qu'aujourd'hui, par rapport au DMA, t'es prof. Je suis pas prof, je suis un intervenant. Ouais. Donc c'est plus facile en fait. Pourquoi? Parce que j'ai pas les inconvénients d'être prof quoi. Ouais. Donc j'interviens sur quelques exercices d'animation. Il y a à peu près une quarantaine d'heures de cours d'animation. Donc étalé sur l'année, en première année et maintenant aussi en deuxième année. Et du coup, c'est des exercices très. Enfin, c'est de la pratique, quoi, tout de suite. C'est-à-dire qu'on leur donne quelque chose à faire et ils ont un temps imparti de 3 séances, par exemple. Et puis, ils doivent faire cet exercice. Et pour l'instant, ça se passe bien. Donc, tous les ans, on voit ce qui a bien marché, ce qui a moins marché. Donc, on adapte un peu tous les ans les exercices hein, de façon. On essaie de les améliorer, quoi. Et c'était quand t'as proposé, c'était une évidence ou t'as un peu hésité avant d'être... Je crois que c'est moi qui me suis proposé. D'accord. Je crois que c'est moi qui ai demandé à JP, à Jean-Pierre Deneuve, s'ils n'avaient pas besoin justement d'intervention en animation. Et puis je suppose que c'est intéressant pour Sébastien Denbach, nous en parlait par rapport à l'ENSAD, finalement d'avoir été aussi un ancien élève, on sait ce qu'il y a comme point positif, on va dire, et puis peut-être aussi comme toute école, hein, quelques points qui peuvent manquer, on va dire, ou en tout cas qui sont peut-être perfectibles comme toujours. Quoi, comme ah partout. Oui, tous les ans on en parle, hein, en fin d'année, on dit tiens, l'année prochaine, ce serait bien. Puis petit à petit, c'est vrai que ça évolue, je sais qu'on n'avait pas ou très peu de cours pour la deuxième année. Et puis, les deuxièmes années ont réclamé, en fait, parce qu'ils avaient plus d'animes, finalement, en première année qu'en deuxième année, de cours d'animes. D'accord. Et pour leur projet, je sais qu'ils auraient bien aimé avoir de l'anime. Donc, on intervenait, mais trop tard, souvent, sur les projets. Mais c'est souvent juste administratif, hein. C'est ces petits désagréments, quoi. Ou alors, des fois, ça peut être juste à cause de notre emploi du temps. Donc là, pour une fois, tiens, on l'a prévu à la fin de l'année dernière, quoi. Donc cette année, ce sera plus simple et plus confortable. Et puis dernière chose qui la connexion, c'est que donc avec notamment Gabriel, vous avez monté un studio, Train-Train. Oui. Hein, Jean-Pierre nous en a parlé, qui est situé à Roubaix. Et donc vous prenez en fait chaque année des stagiaires, quasiment. Oui, oui, pour l'instant, des stagiaires de l'ESAT. L'année dernière, il y a eu un coup de cœur par rapport au projet finalement d'un des étudiants qui finalement va être réalisé, c'est ça? Oui. C'est un film. C'est un étudiant, donc Thomas Plett, qui avait fait un stage au studio sur un film d'Arnaud Demain qui s'appelle L'Évasion. Oui. On s'est bien entendu avec lui, etc. Puis en fin d'année, nous on est dans le jury aussi, hein, comme toi d'ailleurs. Ouais. Et on avait vu son projet de film, qui n'était pas du tout abouti encore, mais qui en tout cas présentait les caractéristiques d'un film qui aurait pu être fini. D'un film, disons, assez concis, qui peut être fini en assez peu de temps, enfin tout est relatif, mais... Et nous, par le studio, on peut accéder, disons, à quelques aides qui peuvent justement permettre de finir un film. Un film qui n'est pas trop ambitieux au niveau technique et au niveau du temps. Et du coup, on lui a proposé. Et puis là, on a eu récemment l'accord de la région, quoi, pour avoir un petit peu de sous. Pour son film. C'est bien, ça veut dire qu'il y a des possibilités finalement, que ces projets qui ne se terminaient pas forcément, un peu comme toi, Chahut, qui était ton projet des Gobelins. Oui, voilà. Et qui, ouais. Finalement, c'est concrétisé par la suite, quoi, et devenu ton premier. Bah, la grosse différence, c'est que Chahut, c'est un film à un budget très lourd, disons. Ouais. Et là, c'est un film très léger, c'est-à-dire que nous, on va lui apporter, disons, le soutien matériel et tout ça, mais personne ne sera payé dessus à part lui. Oui. Donc c'est une façon de pouvoir finir leur projet de fin d'études de façon semi-professionnelle, on va dire. Ce qui est une bonne occasion. Nous, les gens du studio sont là pour l'aider s'il a des questions et tout ça, mais c'est vrai qu'il va être quasiment seul à le faire, hein. Nous on va lui donner un coup de main, mais par contre avec l'argent il va pouvoir être payé et puis on va pouvoir faire les bêtas, payer le son, enfin voilà. Puis donc il y aura, disons, un film fait, au final, un produit professionnel, quoi, voilà. Avec un son fait par des professionnels. Et comme le DMA ne propose pas de film de fin d'études aux étudiants, c'est une occasion de pouvoir aboutir, disons, à un film peut-être par an, mais encore faut-il qu'il y ait un film qui nous plaise et qui puisse être fait, quoi. Bien sûr, hein, ouais. Donc il n'y a rien de systématique, mais si l'expérience se passe bien avec Thomas et que l'année prochaine un film nous plaît et que l'étudiant aurait envie de poursuivre, il y a des chances qu'on repropose à nouveau ce genre d'aide. Et quand est-ce qu'on aura un deuxième cours à part entière, non pas en co-réalisation comme sur L'Évasion, mais à part entière de Gilles Cuvelier? Écoute, en 2009, si tout va bien. Parfait. J'ai un projet qui a eu le CNC et dont la production va commencer deuxième moitié 2008. Et à mon avis, il faudra au moins entre 8 mois, disons, et un an pour vraiment tout finir. Donc ce sera mi-2009, si tout va bien. C'est un projet un peu plus lourd que Chahut. C'est un peu dur, un peu trop tôt pour le dire, mais parce que moi-même je sais pas, là je suis en train de faire des tests justement, parce que ça va mélanger prise de vue réelle, peut-être un peu de 3D aussi, et la 2D, donc comme j'aime pas faire deux fois la même chose, il fallait que je fasse autre chose que Chahut. Donc voilà. Tu nous en reparleras en temps voulu. Voilà, exactement. Et ben merci beaucoup. Et ben de rien. Et voilà, c'était Gilles Cuvelier, donc ancien de l'ESAT, du DMA de l'ESAT à Roubaix, du DMA Cinéma d'Animation, qui maintenant, je vous en avais déjà parlé, hein, qui a fait un film qui s'appelle Chahut, qui nous parlait un petit peu à la fois de son parcours à la sortie du DMA et puis de sa sortie du DMA. On est toujours dans Bulle de Rêve sur Radio Libertaire, l'émission 100% animation. Et on continue notre programme musical avec Noir Désir. On écoute À l'envers, à l'endroit sur le dernier album.